La chaussée sur laquelle je circule est à sens unique et comporte trois voies de circulation. Cette signalisation annonce une réduction du nombre de voies, mais je disposerai encore de deux voies pour circuler et pour dépasser. De plus, à cet endroit, aucune signalisation n'interdit le dépassement et personne n'a entrepris de me dépasser. Je peux suivre le véhicule rouge et dépasser ce camion en toute sécurité. Réponse